Chapitre 11e. Deux jours après cette lettre, ma mère et Laure arrivèrent à Rochebaron. Avec quelle joie je les reçus, vous le savez si vous avez aimé. Je les attendais 2 heures d'avance à la gare. J'avais fait arranger à la hâte dans mon nouveau logement 2 lits que m'avait provisoirement prêtés le propriétaire de l'hôtel des Trois Couronnes. Et la veille même, j'avais refusé d'accepter une invitation à dîner de M. Boréas, mon propriétaire, m'excusant sur ce que j'attendais ma mère et ma sœur. J'avais la précaution d'annoncer partout Laure comme ma sœur. C'était une idée de ma mère, idée funeste, mais dont nous n'avions pas prévu les conséquences. « On est fort cancanier en province, disait ma mère. Si l'on apprend qu'un professeur habite avec sa mère et une jeune fille qui n'est pas sa sœur, on fera 1000 sauts discours dont nous serons tous 3 extrêmement ennuyés. Appelle hardiment Laure ta sœur. Il sera toujours temps de l'appeler ta femme lorsqu'on vous mariera. D'ailleurs, nous ne voulons pas moisir longtemps à Rochebaron. Ce qu'il faut à Gaston Phoebus, c'est un traitement assuré et le temps de se faire connaître par quelque grand ouvrage. Après quoi, nous replierons bagages et nous reviendrons à Paris pour nous marier et y passer l'éternité. » Laure approuva ses raisons, et comme je ne savais résister ni à l'une ni à l'autre, je cédai d'assez bonne grâce. Après tout, l'essentiel était de ne pas quitter Laure, et puisqu'on m'accordait ce point, je n'osais pas me montrer difficile sur le reste. Monsieur de Boréas ne s'étonna pas de mon refus et l'attribua tout entier à l'excès de mon amour filial et fraternel. Il n'en fut pas moins cordial pour moi, ce qui était fort méritoire de sa part, car il ne prodiguait pas son amitié. C'était un grand vieillard de 80 ans passés, droit et vert comme s'il n'avait eu que 60, d'une figure noble et sévère, mais aimable et souriante au besoin, bon convive, homme du monde, plus instruit que la plupart de ses compatriotes, et quoiqu'il eût vu beaucoup d'hommes et de pays, n'ayant pas moins acquis par les livres que par l'expérience. Il était très jeune et déjà officier de marine en 1790, au moment de l'émigration. Comme la plupart de ses camarades, il quitta la France et vécut 2 ou 3 ans en Allemagne, mal accueilli par les étrangers et regrettant la patrie. Vers 1795, ne pouvant plus supporter l'exil et la misère, il se procura un faux passeport, se cacha quelque temps à Paris et obtint par la protection de Barras d'être rayé de la liste des émigrés. Mais ses biens avaient été confisqués et vendus au profit de la nation. Comme il était connu de l'amiral Latouche-Tréville, ils se firent commander à un armateur de Bordeaux qui lui confia le commandement d'un brick de guerre, et il fit comme corsaire la guerre aux Anglais jusqu'en 1801. Ses succès dans cette carrière nouvelle furent tels qu'il changea son brick pour une frégate de 60 canons, racheta ses terres avec sa part de prise, et se trouva beaucoup plus riche qu'avant la Révolution. En 1803, après la rupture de la paix d'Amiens, Boréas redevint corsaire, mais toutes les mers étant couvertes de vaisseaux de guerre anglais, il eut grand-peine à leur échapper, et après avoir fait quelques prises assez considérables, il se vit forcé de se faire planteur dans l'île de Java, ne sachant par quelle route retourner sûrement en Europe. En 1814, la mer redevint libre, et Boréas revint à Rochebaron avec sa femme et ses enfants, car il s'était marié aux environs de Batavia, avec la fille d'un Hollandais. Malheureusement, sa femme et ses enfants moururent après quelques années, ne pouvant pas supporter le climat de la France, et il resta seul à Rochebaron, où il tenait un grand train de maison et passait pour le chef du parti légitimiste. Au fond, il ne se souciait ni de légitimité ni d'aucun parti politique, ayant contracté dans ses voyages le goût de l'indépendance. En 1830, il était député et donna sa démission pour ne pas prêter serment à Louis-Philippe. Ses amis le félicitèrent d'être resté fidèle à Charles X, mais le vieux Boréas se moqua d'eux. « Je ne fais pas plus de cas de l'un que de l'autre, dit-il, mais je m'ennuie de prêter serment à tout le monde. Je ne me pique pas d'être homme d'État, mais de tenir ma parole, même quand je l'aurais donnée sans réflexion. » Il fallut se contenter de cette réponse, car il ne voulut jamais protester autrement de son dévouement au roi déchu. Du reste, les légitimistes, fiers de pouvoir le compter au nombre des leurs, lui pardonnaient toutes ses boutades, et il était d'un commun accord, par sa fortune et son caractère, le personnage le plus considérable du département. D'autant plus généreux d'ailleurs, et prodigue de son argent, qu'il n'avait pas d'héritier direct. Il avait contribué pour une large part à la fondation du lycée, de la bibliothèque publique, de la ferme-école de Rochebaron et de plusieurs autres établissements utiles. Un trait remarquable de son caractère, c'est qu'il avait gardé dans sa vieillesse toutes les opinions voltairiennes qui étaient en faveur avant la Révolution. Aussi, bien qu'il fût en bon terme avec tout le clergé de Rochebaron, on ne voyait jamais de prêtre chez lui, excepté l'évêque. Encore, Boréas le voyait assez rarement, mais grâce à ses libéralités, le clergé n'osait pas se brouiller avec lui et comptait d'ailleurs le convertir à l'heure de sa mort. Sa maison était un terrain neutre où il donnait à tout le monde la plus large hospitalité. Le préfet venait souvent chez lui, mais il n'allait jamais à la préfecture, alléguant son âge et ses infirmités. Et cependant, on le voyait monter à cheval tous les matins et se promener 2 heures avant le déjeuner et 2 heures le soir avant le dîner. Ses chevaux étaient admirables de vigueur et de beauté, mais il n'allait jamais aux courses et ne faisait jamais courir. « Nos pères, disait-il, étaient sans doute d'aussi bons cavaliers que nous, et cependant ils ne faisaient pas courir leurs domestiques pour attraper quelques milliers de francs au gouvernement ou au public. Se faire payer pour planter son domestique sur un bidet maigre en l'appelant jockey, et parier de gagner le derby ou le handicap ou n'importe quoi, c'est une ânerie que nos pères, gens d'esprit avant tout, auraient honte de commettre. » Le hasard, plus qu'aucune autre chose, avait contribué à me lier avec M. de Boréas. 2 jours après mon arrivée à Rochebaron, pendant que je faisais des recherches sur les guerres de religion en Europe depuis le XIe siècle, c'était le sujet du nouveau livre que je voulais écrire, je feuilletais un vieux poème de la guerre des Albigeois, où Raymond de Boréas, noble homme de Rochebaron et vicomte d'Aigueperse, avait joué un très grand rôle. Le lendemain, au moment où M. de Boréas discutait avec moi les conditions du loyer de sa maison, j'eus occasion de lui parler de ma découverte. Le vieux gentilhomme en fut ravi et me pria de lui montrer le passage du poème où son ancêtre était cité. De là, il vint naturellement à demander ce que je faisais, à m'encourager dans mes études, à m'offrir sa bibliothèque particulière, qui était beaucoup plus belle que la bibliothèque de Rochebaron, et enfin, il se prit pour moi dès ce jour-là d'une amitié véritable, ou du moins que je crus véritable. Et pourquoi ne l'aurait-elle pas été? J'étais jeune, inconnu et seul, car il ne connaissait ni ma mère ni Laure. Quel intérêt pouvait-il avoir à feindre l'amitié? Les premières semaines de notre séjour à Rochebaron se passèrent fort tranquillement. Je continuais de mener la vie paisible et laborieuse que nous avions à Paris. Laure et ma mère occupaient le premier étage de la maison. Le second m'appartenait tout entier. Je l'avais rempli de livres, de cartes, de plans, de statuettes et de 1000 brimborions de ma mère. Lorsque je lisais et prenais des notes, Laure venait me voir travailler et travaillait elle-même près de moi. Si mes yeux quittaient mon livre un instant, c'était pour rencontrer les siens. Douce contemplation. Souvent, lorsque j'étais embarrassé par quelques doutes, je lui demandais conseil et son esprit droit et pénétrant me tirait toujours d'embarras. L'habitude de lui raconter tout ce que je venais d'étudier m'obligeait d'approfondir mes idées et de ne me contenter jamais d'une demi-clarté. Enfin, j'étais heureux, car j'avais tous les biens précieux qu'un homme peut désirer. J'aimais et j'étais aimé, ou du moins, je croyais l'être. Plût à Dieu que cette illusion dura encore aujourd'hui. Un matin, ma tranquillité fut troublée par un événement assez ordinaire. Je reçus du lycée l'ordre d'aller voir M. le recteur. Cet ordre, donné avec toute la politesse gracieuse qui distinguait Percepied, me causa une surprise désagréable. Je rentrai d'un air sombre à la maison. « Qu'as-tu ? » demanda ma mère étonnée. Et quand elle sut de quoi il était question, « Ce n'est que Percepied, » dit-elle. « J'ai cru que tu avais la fièvre ou la migraine. Va donc, Gaston Phébus, va lui faire visite. Il t'adressera probablement quelques remontrances. Si tu es sage, tu fermeras les yeux pour ne pas le voir, car il est plus laid qu'un singe, et les oreilles pour ne pas l'entendre. Tu penseras à quelque chose d'agréable, à Laure, par exemple, ou à Henriette. Tu remueras de temps en temps la tête pour montrer que tu l'approuves, et tu reviendras sans te mettre en colère, pas plus que si tu avais avalé un vermifuge. Est-ce que tu te fâcherais contre le vermifuge parce qu'il est amer ? » Je partis, décidé à suivre ce sage conseil, plus facile cependant à donner qu'à suivre, car l'insolence de Percepied aurait lassé le patient Épictète. « Monsieur, me dit-il en me voyant entrer, c'est la seconde fois que je vous avertis. Prenez garde, je me lasserai de faire des remontrances inutiles. » « Monsieur le recteur, répliquai-je d'un ton très calme, Quoiqu'il me vînt une violente envie d'appliquer deux soufflets sur sa face blême et jaunâtre. « Monsieur le recteur, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« En vérité, monsieur, » s'écria Percepied d'un ton ironique. « Et pourriez-vous me dire, monsieur, dans quelle église vous avez entendu la messe dimanche dernier ?»« Il est très vrai que je n'allais jamais à la messe. La question était donc fort embarrassante. » « Monsieur le recteur, c'est une affaire entre ma conscience et moi, et une affaire de conscience, monsieur. Seriez-vous par hasard un esprit fort ? Il ferait beau voir qu'un professeur du lycée de Rougebaron refusait d'aller à la messe. Peut-être, monsieur, dédaignez-vous les croyances de vos pères. » Bossuet a cru, monsieur. Saint Thomas d'Aquin était catholique fervent, monsieur, aussi bien que saint Augustin et saint Jérôme. Mais peut-être êtes-vous au-dessus de ces grands esprits ? Et avez-vous des raisons de douter qu'ils n'ont jamais soupçonné ? Je serais curieux de les connaître, monsieur. Oui, en vérité, je serais curieux de les connaître. Peu à peu, je m'échauffais à mon tour. Après tout, j'étais professeur de latin et non de théologie. Je faisais traduire Tacite et non pas saint Augustin. Cette inquisition continuelle commençait à m'indigner. Je sentis que si je consentais à discuter et à répondre, il m'échapperait quelques paroles un peu vives. Je gardais donc le silence. Mais ce silence ne faisait pas le compte de Percepied, dont l'éloquence commençait à déborder. Il raffermit ses lunettes sur son nez, car ce batracien portait des lunettes, me regarda du haut en bas avec un air de majesté inexprimable et me dit « Vous m'entendez bien, monsieur. Je veux croire qu'il y a dans votre fête plus d'ignorance que de mauvaises intentions. Mais vous devez l'exemple à vos élèves, l'exemple de la piété, monsieur, des bonnes mœurs et des bonnes manières. Et j'entends dire que vous menez une conduite scandaleuse. » Je le regardais avec étonnement, pensant par moi qu'il était fou, car excepté mes confrères du lycée, M. de Boréas, ma mère et ma sœur, je n'avais de liaison avec personne. « Oui, monsieur, scandaleuse, » reprit-il avec force. « Vous ne remplissez pas vos devoirs de chrétien le dimanche, mais on vous voit le samedi chez M. l'abbé Turquet, avec plusieurs de vos collègues. » L'abbé Turquet était un brave homme de prêtre, assez mal vu de son évêque, parce qu'il était riche, indiscipliné et sans ambition. On n'avait pas osé l'interdire, parce qu'il avait une conduite irréprochable et que, touchant d'ailleurs à la soixantaine, il offrait peu de prise à la médisance. Mais il était mal vu de toutes les autorités, et en particulier de sa grandeur, aussi Percepied croyait faire sa cour à l'évêché en éloignant les professeurs du lycée de cette maison hospitalière. De là, le crime nouveau dont j'étais accusé, aussi bien que la plupart des autres professeurs, car le bon abbé Turquet, soit pour faire enrager son évêque, soit par goût naturel, nous faisait toutes sortes de prévenances et tous les samedis, bourrait de marron et de vin blanc ses hôtes, universitaires, marchands, avocats, avoués et autres bourgeois de toute espèce. À cette première politesse, ajoutez des journaux et des revues de toute espèce, hors l'espèce gouvernementale, deux billards et la gaieté la plus cordiale, et vous jugerez de l'attrait qu'avait pour tout le monde la maison et la personne de l'abbé Turquet. Je répliquai donc avec modération que je n'avais pas cru m'écarter de mon devoir en cédant aux instances d'un homme aussi généralement estimé que M. l'abbé Turquet, que d'ailleurs cette erreur, si c'en était une, m'était commune avec les habitants les plus respectables de Rougebaron, et je citais pour exemple 3 magistrats, 5 notaires, 7 avocats. « Monsieur, » interrompit Percepied, furieux, « je n'entends pas qu'on discute avec moi. Je suis seul juge de ce que vous devez faire et c'est à moi que vous devez compte de vos actions. Je vous défends, pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer ici. De retourner jamais chez M. l'abbé Turquet, et si vous jugez à propos d'enfreindre ma défense, je ferai mon rapport à qui de droit. » À ces mots, la patience qui déjà glissait dans mes doigts m'échappa tout à fait. « Monsieur, lui dis-je à mon tour, en me levant, le pire que vous puissiez faire, c'est de me faire destituer, et j'aurai du moins le plaisir de ne vous revoir jamais. Allez à tous les diables. » Ce discours assez laconique, et que ne faisait pas prévoir le calme avec lequel j'avais écouté jusque-là ces menaces, produisit sur le farouche Percepied l'effet le plus inattendu. Il s'imagina, non sans raison peut-être, que j'allais joindre le geste à la parole et l'envoyer moi-même à la destination indiquée. Il devint pâle de frayeur et tira le cordon de la sonnette. À ce bruit, l'inspecteur d'académie qui travaillait dans une pièce voisine entra, suivi du garçon de salle. Percepied, rassuré par leur présence, me dit « « Monsieur, vous m'insultez, vous me menacez, dès demain vous aurez de mes nouvelles. » Je rentrai chez moi, tout bouillant de colère, et je fis le récit de mon aventure. Ma mère, qui était bien, la chère âme, la femme du monde la plus disposée à voir en beau tous les objets, approuva fort ma réponse et fut indignée des ordres du recteur. « Ma foi, dit-elle, je suis bien aise que tu l'aies envoyé au diable. Je commençais à m'ennuyer ici, et nous allons avoir une belle occasion de retourner à Paris. Un professeur est un homme, après tout, et je ne vois pas pourquoi tu subirais les rebuffades de ce cuistre. Nous avons bien vécu jusqu'ici sans expliquer Tacite à des morveux. Nous vivrons bien encore sans cela. D'ailleurs, il y a 60 lycées hors de Rouge-Baron. Tu iras à Paris, tu expliqueras ton affaire à M. Aubaret, qu'il expliquera au ministre, et tu seras placé ailleurs. Va, mon ami, la pire de toutes les conditions, c'est de recevoir sans broncher les coups de pied de l'âne. » Oui, dit Laure, mais notre mariage est à Volo. Et qui sait quel accueil Gaston Phoebus recevra de M. Aubaret ? Tais-toi, petite sotte, répliqua ma mère. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu seras mariée avant la fin de l'année, je t'en fais le serment, puisque tu tiens tant à porter le nom de Gaston Phoebus. Pour lui, s'il est destitué, il partira pour Paris sur le champ. Il ira voir M. Choisy, l'éditeur auquel M. Plotin promettait de le recommander. S'il le faut, il verra M. Plotin lui-même. Ce n'est pas un méchant homme, et peut-être il nous servira. S'il ne lui en coûte rien, il est charlatan, il parle matin et soir de vertu, de justice, de vérité, de philanthropie, et il n'osera pas, ni au pied du mur, ne pas rendre service à Gaston Phoebus. Après tout, il a des torts envers lui, et il sera heureux de les réparer à bon marché. Or, il n'aura qu'à dire un mot à Choisy pour faire la fortune de Gaston Phoebus. Je dis la fortune, car je suis sûr que l'histoire des papes aura 10 éditions et assoira son auteur dans un bon fauteuil de l'Institut. C'est par ces espérances et d'autres pareilles que ma pauvre mère cherchait à relever mon courage, plus en sciant cela que beaucoup d'autres femmes, qui se croient fort judicieuses parce qu'elles accablent leur mari, leur frère ou leur fils de lamentations sur le malheur qui est arrivé, et sur le malheur qui ne manquera pas d'arriver. Ma mère sentait très bien que ma seule crainte était de la laisser sans ressources avec Laure, et que je n'étais attristé que parce que j'étais responsable du destin de toute la famille. Du reste, si elle n'avait pour but que de m'encourager, elle y réussit merveilleusement, et Laure elle-même plaisanta gaiement sur le bonheur que nous aurions de retourner bientôt à Paris, car, disait-elle, « Je ne voulais pas te l'avouer, mon cher Gaston Phoebus, mais Rochebaron m'ennuie à la mort, et je regrette mes chères allées du Luxembourg et des Tuileries. Là, du moins, on ne rencontre pas de perce-pied. » Cependant, toute cette tranquillité était factice, et je m'en aperçus bien quelques instants après, car étant descendu au jardin et me promenant sous la fenêtre qui était par hasard restée ouverte, j'entendis quelques mots de ma mère qui ne me laissaient aucun doute sur son inquiétude. Le lendemain était un dimanche. Tout préoccupé de ma destitution que je croyais certaine et de la nécessité de changer de profession, je réfléchissais en silence tout en paraissant lire avec attention l'histoire du Concile de Trente de Fra Paolo Sarpi que M. de Boréas m'avait prêté. Ma mère cousait assise dans un fauteuil au coin de la cheminée en face de moi et Laure chantait la romance de Richard Cœur de Lion en s'accompagnant sur le piano. Tout à coup, l'on annonça M. de Boréas. C'était sa première visite depuis l'arrivée de ma mère. À sa vue, Laure se tut et referma le piano, malgré les instances du vieux gentilhomme, qui protesta qu'il aimait passionnément la musique en général, la voix de Laure en particulier, et le chant de « Oh Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne ». Enfin, il insista tellement que Laure fut forcée d'achever le morceau, et je dois dire que M. de Boréas, tout en rendant justice au timbre exquis de sa voix, ne l'accabla point de fat compliments et sut même indiquer avec goût quelques critiques légères dont elle pouvait faire son profit. « Mais, ajouta-t-il, je suis venu pour vous parler de choses plus sérieuses, mon cher ami. Oh, vous n'êtes pas de trop, mesdames, et même, je crois que les conseils d'une mère et d'une sœur doivent être excellents. Or ça, mon cher ami, quelle mouche vous pique et quelle raison avez-vous d'envoyer au diable M. Percepied ? Et sur un geste que je fis, « Ne vous hâtez pas de répondre, » dit-il. « Je conçois que Percepied vous déplaise. Il est laid comme un hibou et l'on devrait, en bonne justice, le déporter au pays des mandingues, dont il a la grâce et la beauté, Mais enfin, ce n'est pas une raison pour l'insulter. Convenez-en, mesdames. » Là-dessus, je lui racontai la conversation que j'avais eue la veille avec le recteur. « Mon cher ami, » dit Boréas, « vous avez l'humeur un peu vive. Enfin, je n'ose pas trop vous en blâmer, ne sachant pas bien ce que j'aurais fait à votre âge et à votre place. Mais que comptez-vous faire maintenant? Car vous supposez bien, n'est-ce pas, que l'affaire n'en restera pas là. Déjà, votre aventure court la ville et les faubourgs. Ce malheureux homme a eu la sottise de répéter mot pour mot vos paroles. Tout le monde en rit. Les autorités vous blâment, et ce n'est que justice. Jugez un peu du scandale si tous les subordonnés qui ont à se plaindre de leur chef venaient à suivre votre exemple. Ce serait le renversement de tout ordre et de toute discipline. Or, l'ordre et la discipline, vous le savez, mon cher ami, ou si vous l'ignorez, vous l'apprendrez un jour à vos dépens, sont les fondements de l'État, au dire de ceux qui gouvernent. Enfin, j'ai appris l'aventure hier au soir de la bouche même de M. le recteur, qu'il a raconté chez moi à M. le préfet entre deux tasses de thé. Et je dois dire qu'il était dans une fureur épouvantable, car il demandait au préfet s'il n'y avait pas moyen de vous jeter quelque temps, pour l'exemple, dans un cul de basse fosse. Heureusement, j'arrivais sur ces entrefaites, et voyant que l'affaire tournait mal, je me hâtais de présenter au préfet un pauvre diable d'adjoint de la commune de Saint-Sulpice, qui attendait impatiemment l'honneur de faire connaissance avec un si grand personnage. Puis, la conversation étant rompue, je pris Percepied à part. Je lui dis « Voyons, mon cher ami, qu'auriez-vous dit à ma place? Vous êtes embarrassé. Vous ne sauriez donc pas parler pour un ami dans l'occasion ?» Je lui dis donc ceci, ou à peu près. « Monsieur le recteur, ce jeune homme a commis, il est vrai, une grave offense. Et vous avez raison de ne pas la laisser impunie. Mais sa jeunesse même n'est-elle pas une excuse? Les jeunes gens, vous le savez mieux que personne, monsieur le recteur, sont sujets à s'emporter. Vous-même, cher monsieur, n'avez-vous jamais eu dans votre jeunesse quelqu'un de ces mouvements que la chaleur du sang explique, si elle ne les autorise pas? La fierté de votre caractère est connue. Que le ciel me pardonne, cet innocent mensonge, car le pauvre homme n'a jamais été connu que comme un pied plat de la dernière espèce. « Monsieur le baron, » répliqua Percepied, « j'ai toujours eu pour mes supérieurs le respect convenable. D'ailleurs, j'aurais volontiers oublié l'offense et pardonné à ce jeune homme. Mais il a offensé dans ma personne le rectorat tout entier, et l'université dont je suis à Rougebaron le représentant le plus considérable. Comme chrétien et comme homme, je lui pardonne. Comme recteur, je suis obligé d'en faire justice. » Vous savez combien je déteste l'hypocrisie. La réponse doucereuse et impitoyable de Percepied m'indigna. « Cher monsieur, lui dis-je, je n'ai aucun droit de me mêler de votre administration, et c'est à titre d'ami seulement que je prends la liberté de vous suggérer quelques réflexions. J'ai lu quelque part qu'en Amérique, on se gardait bien d'offenser les enfants de peur qu'étant devenus hommes faits, ils ne fussent tentés de s'en venger. Chose facile dans un pays libre et où le pouvoir change souvent de main. Croyez-moi, imitez cette prudence, et ne poussez pas à bout ce jeune homme. Je le connais, il a du mérite et des relations. Il a été le secrétaire du célèbre M. Plotin. Par lui-même, il peut s'élever très haut, et vous rendre un jour tout le mal que vous pouvez lui faire aujourd'hui. Soyez clément, pendant qu'il y a quelque mérite à l'être. » « Monsieur le baron, répliqua Percepied, je ne connais que mon devoir, et quelque chose qui doit en résulter plus tard, je le ferai. » Je vis que c'était le moment de faire donner la vieille garde. « Eh bien, cher monsieur, lui dis-je, ne ferez-vous rien pour moi. En mille occasions, vous avez protesté de votre désir de m'être agréable. Le moment est venu de me montrer votre amitié. Abandonnez l'affaire. » Il refusa obstinément. La vengeance est le plaisir des dieux et des dévots. « Monsieur le recteur, lui dis-je enfin, car j'avais réservé cet argument pour le dernier. Et c'était le coup de dague de la fin. Monsieur le recteur, puisque rien ne peut vous persuader, permettez-moi de vous faire une question. Voulez-vous m'avoir pour ami ou pour ennemi? Comment donc? En sommes-nous là? Répliqua-t-il avec inquiétude. Oui, monsieur, dis-je à mon tour, j'ai peu d'amis intimes, vous le savez. On en fait garde de nouveau à mon âge. Mais enfin, j'en ai trouvé un dans ce jeune homme, et je veux le garder. Qu'il ait eu tort ou raison de vous parler comme il l'a fait, peu m'importe. J'ai beaucoup d'amitié pour lui, et qui l'offense, m'offense. Choisissez donc résolument. si vous le faites destituer. Car pour aller plus loin, je vous en défie. Je ne vous laisserai pas un instant de repos. Vous savez qui je suis. À mon âge, on ne craint rien. Je n'ai pas d'ambition. Je n'ai ni place ni pension à perdre. Tout le monde ici a besoin de moi, et vous, tout le premier. Mais moi, je n'ai besoin de personne. L'évêque est mon ami. Il attend beaucoup de moi, et il croit que je mettrai ses séminaires dans mon testament. Or, vous ne vivez que par lui. S'il vous abandonne, vous tombez par terre. Et pour parler comme Corneille, sans avoir l'éclat du verre, vous en avez la fragilité. Réfléchissez donc mûrement, tant qu'il en est temps encore. Ce discours un peu dur, et que je me serais bien gardé d'adresser à un honnête homme, eut le même effet que les plus belles harangues de Démosthène. En une minute, il prit son parti et me dit d'un air riant, « En vérité, monsieur le baron, vous avez des arguments auxquels rien ne résiste. Que ne ferais-je pas pour conserver votre amitié ? Au moins vous me rendrez cette justice que j'étais décidé d'avance à l'épargner pour ce qui regarde l'offense personnelle que j'en ai reçue, et que le sentiment seul du devoir m'obligeait à le poursuivre. » Je le laissai développer ce thème durant 3 quarts d'heure, et je feignis de croire tout ce qu'il disait. Maintenant donc l'affaire est étouffée, il n'en sera plus question. Vous pouvez vous présenter à l'académie quand il vous plaira, et vous recevrez du recteur un accueil convenable. Or ça, mon cher Gaston Phébus, promettez-moi maintenant d'être sage, et de laisser pérorer tous leurs sous, messieurs vos supérieurs, car je ne serai pas toujours là pour vous tirer d'affaire. Et si, par malheur, je n'avais pas rencontré notre homme hier soir, malgré tout mon crédit, votre destitution était certaine. Naturellement, je remerciais M. de Boréas comme il le méritait, et ma mère et Laure se joignirent à moi. « Ne me remerciez pas tant, mon cher Gaston Phébus, me dit-il. Cela n'en vaut pas la peine. J'ai agi par pur égoïsme et pour ne pas me séparer de vous. Votre amitié m'est devenue nécessaire. À mon âge, on ne sait que faire de son temps, on ne s'intéresse plus qu'aux idées. La vie de tous les jours n'a plus d'intérêt pour nous. Croyez-vous que je me soucie beaucoup de savoir ce qui se passe chez mes voisins, quelle robe avait Madame la Marquise, ou quel cheval Monsieur le Général commande dans la garnison, ou quel sera le préfet de Rochebaron, ou quel sera le maire de telle commune, ou quel sera le juge de paix? Ces misères, qui me passionnaient autrefois tout comme un autre, m'ennuient maintenant à en mourir. À 80 ans passés, l'on n'est plus acteur mais spectateur dans le drame de la vie, et l'on ne s'occupe plus qu'à prévoir ou à pressentir ce qui est caché derrière la tombe. C'est pour cela que je vous aime, mon cher Gaston Phébus. Aux sentiments et aux passions de votre âge, vous joignez un goût de la vérité et de la lumière qui n'appartient qu'aux esprits élevés et aux belles âmes. La conversation se prolongea quelque temps encore, puis M. de Boréas se retira en demandant à ma mère et à Laure la permission de revenir. Voilà un excellent ami que Gaston Phébus a trouvé à Rochebaron, dit ma mère, séduite par l'éloge que M. de Boréas avait fait de moi et par le service qu'il m'avait rendu. Tu vois bien, Laure, qu'il ne faut jamais se désespérer. Chante-moi un morceau du Barbier de Séville.